Je circule en ville sur une route suffisamment éclairée. L'éclairage me permet de voir à une distance suffisante. Je peux donc utiliser mes feux de croisement. Par contre, les feux de route seraient inappropriés. Ils ne permettraient pas de voir plus loin, mais éblouiraient les usagers venant en face, et je risque facilement de les oublier. Réponse A et D.